Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, les enfants enfermés ou l'éducation sous contrainte. Une série de Pauline Maucor réalisée par Gaëlle Gillon. Au départ de cette série, il y a des images terriblement actuelles d'enfants derrière des grillages et des politiques de répression des migrations qui font qu'ils se retrouvent en centre de rétention, parfois séparés de leurs parents ou tout simplement isolés. Il y a aussi cette idée à préserver de la protection de l'enfance sans condition et du coup cette envie d'explorer l'histoire et les usages de l'enfermement des mineurs en France qui dit aussi la peur de certains de la jeunesse. Alors pour commencer, les personnages. Des jeunes filles qui aiment les cadres, d'autres qui n'en veulent pas, une fille qui a le mental, un éducateur qui doit contraindre, une historienne qui détricote, une jeune fille qui accepte et un psychologue de terrain. Ensuite, le décor. La discipline, des cigarettes au compte-gouttes, l'enfermement, la punition, la vaisselle, la contrainte, l'ordonnance de 1945, des règles, des cours, du sens et de la violence, et puis la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse. Aujourd'hui, premier épisode, on a des souvenirs. Non mais oui, mais ça fait galérer, ils m'ont mis dans des foyers PJJ, là je faisais des camps toutes les semaines, j'étais au bout de ma vie, ils m'ont mis en CER, après CER, après ils m'ont fait faire des familles PJJ et tout, j'étais là, je dis, ah, mais c'est quand je vais rentrer chez moi. Ça va. Les familles, c'est pas mieux? Non, les familles d'accueil, non, parce qu'après la famille d'accueil, elle se prend trop pour ta mère, elle te donne des ordres. Elle se prend pas pour ta mère, elle te donne une éducation et un mode de vie, parce que la vie est faite de règles. C'est pour ton bien, hein. Moi, je trouve que c'est pas mal les familles d'accueil. Après, j'en ai fait qu'une dans ma vie, mais je suis restée longtemps. Donc, voilà. Après, ça dépend des personnes. Hélène, tu me prends en famille d'accueil? Qui? Moi? Moi, j'ai déjà demandé. Hein. Ah ouais, Hélène, prends-moi. Je vous supporte déjà assez ici, ça va aller. Oh. Bah, moi, c'est CER et CEF. Il y a du cadre. J'aime bien le cadre. Ah, bah, t'es la seule. Tu préfères ça à la famille d'accueil? Bah, alors, ma famille d'accueil, elle était bien, mais pas assez CER. J'ai profité de ma femme d'accueil parce que je voyais qu'ils n'étaient pas assez sévères et qu'ils ne tenaient pas leur punition. Ah bah ouais. Enfin. Merci. Tu dormais ou quoi? Mais non, moi j'aime pas le cadre, justement, moi j'aime pas le cadre. J'aime pas qu'on pose des règles. Mais tu sais que plus tard t'as amené à travailler. Et tu sais que ton patron va te donner des ordres. Hein. Voilà. Et si tu les respectes pas, il te dit ciao. Ciao. Non, c'est vrai, il te dit ciao le patron, il s'en fout. Hein? Tu vas faire quoi plus tard? La petite enfance. Bah tu vois, si tu travailles dans la petite enfance, c'est des règles. Hein. Tu vas apprendre les règles aux enfants, tu vas leur apprendre la discipline. Les enfants enfermés ou l'éducation sous contrainte. Épisode 1. Le centre éducatif fermé, sanctions ou protection. Des champs à perte de vue, quelques vaches normandes, au loin, les premières maisons de Doudeville, c'est ce que voient les jeunes filles en arrivant au centre éducatif fermé. Elles viennent de la France entière pour purger la sanction éducative décidée par le juge, après le délit ou le crime qu'elles ont commis. Elles en ont pour 6 mois minimum. C'est une alternative à la prison. Certaines ont couru une peine de 5 ans, mais si elles ne respectent pas leurs obligations, le juge peut décider de les incarcérer. Elles sont 8. Elles ont entre 15 et 18 ans. Pour chacune, la procédure est la même. Ça commence par la phase d'engagement. À la sortie de l'audience, 2 éducateurs attendent la jeune fille. Elle passe 24 heures avec eux, le temps qu'ils lui expliquent le règlement et qu'elle adhère au projet éducatif. Dès son arrivée au centre, la jeune fille est évaluée sur sa santé physique et psychologique et son niveau scolaire. On lui rappelle le cadre, les horaires, le sens de la discipline. Elle a pour obligation de participer à de nombreuses activités à un rythme soutenu. L'intention de l'équipe éducative est de réparer la jeune fille et de l'accompagner vers la réinsertion sociale et professionnelle. Comment se construire en tant qu'individu libre, autonome et responsable dans un lieu de privation de liberté? À la demande de la PJJ, les témoignages des jeunes filles doivent rester anonymes. Je suis arrivée le 27 novembre 2018, il y a 2 mois presque. Ah, ça faisait bizarre de se retrouver enfermée du jour au lendemain. Après, on s'y fait. Tu prends l'habitude. Tant que tu dis dans ta tête, tu vas ressortir. Si t'as le mental, si tu l'as pas, ça va être compliqué pour toi. Le premier jour, tu te sentais comment? Bah, le premier jour, je pouvais pas ressentir beaucoup de choses parce que ça, c'était le premier jour. Mais après, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, tu te sens de plus en plus enfermé. Tu peux pas sortir. T'as 5 cigarettes par jour, alors si tu fumes comme tu veux dehors, c'est compliqué. Tu te fais sanctionner, t'as 2 cigarettes en moins dans la journée. T'es énervé. Si t'es énervé, ça se multiplie les sanctions. Ça veut dire qu'on peut t'enlever encore une cigarette. Tu peux être encore triplement sanctionné. Lors de vaisselle, ménage. Monter en chambre. C'est comme si t'étais un animal enfermé. Bah ouais. Karim Boussereau, éducateur. Dans les premiers temps, ça peut être particulier parce qu'on ouvre beaucoup de portes, on ferme beaucoup de portes. Après, on n'est pas dans la protection de l'enfance ici. C'est des jeunes filles qui ont soit commis des crimes. On accueille des jeunes filles qui sont là pour meurtre. Sachant qu'un mandat de dépôt en prison ne peut pas être renouvelé plus de 2 fois, les mineurs, des fois, arrivent chez nous. Ça veut dire que ce n'est pas des enfants de cœur non plus. Ça veut dire qu'il faut quand même apporter quelque chose de contraignant, pas de violent, mais un cadre, il ne faut pas le dépasser, parce que sinon, en plus, c'est la prison, si elle dépasse ce cadre-là. Oui, en fait, d'être ici, ça reste une punition, quand même. Bien sûr que c'est une punition pour certaines. Ils arrivent, mais la plupart, ils sortent de prison. Ça fait qu'ils arrivent ici, déjà, ils se sentent déjà mieux. Hein. C'est un centre éducatif, avant tout. C'est un centre éducatif. Fermé. Ici, ils sont enfermés, façon de parler, pendant 2 mois et demi. Ça leur permet souvent de se poser. Des fois, il y a des filles, ils arrivent dans des états. C'est des dangers pour la société. Vraiment, véritablement. Comment on fait? On essaie de les sauver pendant 2 mois et demi de leur vie. Ils sont toutes jeunes. Pendant 2 mois et demi, hey, tu bouges pas, on va te parler pendant 2 mois et demi. Oui, on va te casser les pieds. Ça, c'est clair et net. On va te casser les pieds, mais c'est pour ton bien au bout du compte. Puis au bout du compte, on a quand même des bons résultats. On a quand même des jeunes filles qui venaient ici, qui dormaient dehors. Et puis maintenant, ils sont semi-autonomie ou bien autonomes, ou ils avancent tout doucement. Parce qu'on leur a construit un projet, etc. C'est aussi ça le but. C'est aussi de les réinsérer dans le milieu ouvert. Véronique Blanchard, historienne, responsable du centre d'exposition de la PJJ. Les centres éducatifs fermés en France sont créés par les lois Perben 1 et Perben 2 de 2002 et 2004. Le début des années 2000 sont un moment où la société française en général prend peur de sa jeunesse et va demander au pouvoir politique de resserrer la question de la justice des enfants, de le recentrer sur le pénal et sur la responsabilisation individuelle des mineurs. Et les CEF sont des lieux qui permettent à la fois à l'administration de dire qu'ils vont faire de l'éducatif, CEF, hein, E d'éducation, et aux politiques de dire, vous voyez, on a entendu votre message, à vous les citoyens et les citoyennes, et donc pour les jeunes les plus dangereux, et je mets des guillemets, on met en place des institutions CEF fermées. Bah, par exemple, les premiers jours quand je suis arrivée, on va dire j'étais énervée d'être là, énervée d'être enfermée. Bah, c'est-à-dire dès qu'on parlait, bah, j'écoutais pas, Et après, tu te fais sanctionner. Dès les premiers jours que tu arrives, on te dit tu fais la vaisselle. Alors que ça, c'est un ordre, non? Tu le prends mal? Ouais, je le prends mal. Clairement, comme si j'étais ta chienne. Après, moi, je dirais pas le terme enfermé. Moi, je parle plutôt d'un cadre contenant, très contraignant. Mais sécurisé. Il y a des jeunes filles, si on les met dehors actuellement, c'est réseau de prostitution, c'est des mules qui transportent la cocaïne des Antilles vers ici. On a déjà eu toutes sortes de jeunes filles. Et puis, quand ils arrivent ici, ils se posent 2 mois et demi, ils sont pas sortants, parce que c'est que 2 mois et demi où ils ont pas le droit de sortir. C'est vraiment pour se poser. C'est réfléchir, c'est un travail sur soi-même. C'est des remises en question quand aussi ils ont été auteurs de crimes ou de gros délits, de barbarie. Et c'est aussi pour se poser, c'est pas l'enfermement pour enfermer, pour punir. C'est pas une punition en fait. Parce qu'il n'y a pas de maton, il n'y a que des éduques, ok, qui imposent un cadre aussi très contraignant parce qu'ils en ont besoin. Il y a même des filles qui sont en demande. Mais après, l'enfermement, c'est pas la prison en tout cas. Puis les jeunes filles, ils nous parlent aussi de leur passé. Mmh. Il y a beaucoup de jeunes filles qu'on va chercher en prison. Et qui, quand ils arrivent ici, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Ah bon? Parce que quand on va aller chercher de Fleury-Mérogis, et il y a les rats qui sortent par les toilettes, à un moment donné, quand on arrive au CEF de Douteville, on est quand même content. Mmh. On a des fraisiers au goûter, on peut choisir nos menus pour le week-end. C'est quand même autre chose que la tôle, quoi. Puis le maton, tu fais une crise d'angoisse, il te dit salut, au pire des cas, tu mets une piqûre aux fesses, et puis tu dors pendant 2 semaines. Hein. Mmh. C'est quand même différent. On a quand même une infirmière à plein temps, psychologue à plein temps, je crois on est 14 ou 13 éducateurs à plein temps, 3 veilleurs à plein temps. Il y a du monde pour ces jeunes. Je pense que l'État, il met le paquet. Je pense que c'est une dernière chance, mais l'État, il met quand même le paquet. Des fois, ça réussit, des fois, ça réussit pas, mais il y a toujours une graine qui a été semée. Bah, au début, je voulais pas venir ici, mais vu que j'étais en prison 3 mois, bah, c'est mieux ici. Ah ouais? Enfin, c'est mieux ici que la prison. Après, il y a des choses qui sont mieux en prison qu'ici. Genre, en prison, t'es bien, t'es dans ta cellule, t'es tout seul, il y a personne qui te saoule. Ici, il y a toujours des embrouilles, ça crie, ça gueule. Des trucs de gamin, genre on est en CEF, on dirait on est dans une maternelle. Genre des histoires de filles et tout. Genre t'as pris ma place. Après c'est normal si on fait des conneries, c'est normal on soit sanctionné. T'es d'accord avec ça toi? Oui, je suis d'accord, c'est chiant mais je suis d'accord. C'est mieux qu'on soit sanctionné, comme ça au moins on comprend. Après ça veut pas dire qu'on recommence pas, mais au moins... Et quand tu t'es retrouvée en prison, c'est pareil? Tu trouvais ça normal? Bah... non. J'avais 15 ans. Ils ont pas mis une gamine de 15 ans en prison. Pour n'importe quoi. Bah ouais, parce qu'en prison, tu peux pas te réinsérer. Enfin, c'est compliqué. Alors qu'ici, il y a des éducateurs, tu trouves un projet, tu vas en stage... Tout ça, c'est mieux. Ici, c'est pour ton bien qu'on te met là. Alors qu'en prison, c'est juste parce qu'on veut se débarrasser de toi, tu fais n'importe quoi, on te laisse en prison. Guillaume Monod, pédopsychiatre en milieu carcéral. Le jour de l'arrivée, les premiers jours, c'est ce qu'on appelle le choc carcéral. Oui. C'est un choc qui est plus une forme d'état d'angoisse, d'état anxieux. Pour des jeunes qui, bien souvent, ne s'imaginaient pas qu'ils seraient incarcérés. Ils pensaient que les délits qu'ils avaient commis n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une incarcération. Donc dans ces cas-là, ce qui était extrêmement frappant et fort, c'est pas tellement la condition de la détention, c'est vraiment la séparation des liens avec la famille, la rupture du quotidien qu'ils avaient. En général, le choc carcéral, au bout de quelques jours, quelques semaines, diminue, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de souffrance psychique ou de choc de l'enfant, mais en tout cas, il va mieux sur le plan psychique, il arrive à s'intégrer dans le quotidien de la détention, il arrive à trouver ses marques, les éducateurs sont là pour l'aider, il va au scolaire, les psychologues l'accompagnent, donc il arrive à prendre ses marques. Le deuxième type de trouble psychique que ça peut faire, là pour le coup c'est plutôt pour les jeunes qui sont incarcérés pour des longues durées, donc 4, 5 mois, 6 mois, 1 an, parfois plus. Là c'est ce qu'on appellerait plutôt l'usure carcérale. C'est des jeunes qui, à force d'être incarcérés depuis trop longtemps, finissent par perdre notamment des repères du quotidien, de se lever à telle heure, de se laver, de prendre des repas, à peu près au moment des repas, et à peu près équilibrés. Ils finissent, à un moment donné, par complètement se désynchroniser, vivre la nuit et pas le jour, ils négligent leurs cellules. Donc il y a tout ce phénomène d'usure carcérale qui est une forme de dépression, en réalité. Une forme de dépression qui est liée au fait que, ils sont, malgré le fait qu'il y ait des parloirs, ils sont quand même très largement coupés des relations affectives avec leurs parents. La vie sociale en milieu carcéral est extrêmement réduite, voire inexistante. Et puis très souvent, ce sont des jeunes qui ont, quand ils sont incarcérés longtemps, c'est qu'ils sont là pour des faits qui sont graves. Donc ils se rendent compte petit à petit qu'ils risquent de passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans en prison, dans des conditions qui ne sont pas toujours formidables. Le vrai problème de l'enfermement en France, ce que ça produit sur le psychisme, c'est une frustration immense, pas tellement quant à la privation de liberté, mais quant à la prévention de l'intimité. Une chose dont les mineurs et les majeurs parlent le plus, c'est la difficulté d'être séparés effectivement de leur famille, donc de ne pas pouvoir sortir, se promener, aller au cinéma, avoir des loisirs, donc la privation de la liberté en tant que telle, bien sûr. Mais ce qui, je pense, fait encore plus souffrir, et là où sur le psychisme c'est beaucoup plus délétère, c'est cette privation vraiment d'intimité. Moi, j'ai vu pas mal de détenus mineurs, mais aussi des majeurs, qui, dans le parcours de leur détention, avaient des mauvaises nouvelles, décès du grand-père, l'épouse qui demande le divorce et autres, et des gens qui, en réalité, se rendaient compte qu'ils voulaient avoir, pour le coup, du temps pour eux tout seuls, pour pouvoir, des gens qui disaient pouvoir pleurer, pouvoir craquer, pouvoir un petit peu s'effondrer. Ils disaient, mais on est enfermé 22 heures sur 24 dans une cellule de 9 mètres carrés avec une, voire deux autres personnes. À aucun moment on peut être seul pour justement se laisser libre cours à ses propres sentiments. Le 2 février 45, c'est effectivement cette promulgation de l'ordonnance de 45, qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, qui est donc écrite, signée par le général de Gaulle, alors même que la Seconde Guerre mondiale n'est pas terminée en France. Hein. Voilà, on est en février, on n'est pas en mai. Donc ça montre l'importance que la France, que le gouvernement provisoire porte à cette question de l'enfance malheureuse, de l'enfance délinquante, de l'enfance irrégulière. On peut employer beaucoup de termes. Alors, est-ce que cette ordonnance s'écrit à un moment où les jeunes sont particulièrement sages, particulièrement non délinquants, particulièrement non violents, et que c'est pour ça que l'opinion publique est prête à écrire un texte et à adopter un texte si éducatif? Est-ce que c'est ça le contexte? Pourquoi cette ordonnance est possible en 1945? Alors d'abord, allons regarder du côté de ce qui se passe pour les jeunes. Est-ce que cette ordonnance, qui a un préambule, parce que c'est essentiellement ce préambule qui est extrêmement éducatif, c'est-à-dire qui va dire « les enfants sont des irresponsables pénaux, nous ne pouvons pas les juger comme des adultes et nous devons absolument considérer que ces enfants qui commettent des actes de délinquance ne peuvent pas être réduits à l'acte qu'ils ont posé et qu'on doit surtout savoir qui ils sont pour pouvoir les traiter éducativement. » C'est ça qu'elle dit l'ordonnance de 45. Nous ne nous intéressons plus au vol de vélo. Un jeune va voler un vélo. Ce qui nous intéresse, c'est pas le vélo, c'est pas à qui on a volé le vélo, mais c'est le jeune. Pourquoi il a volé un vélo et comment on va faire pour qu'il recommence pas, mais en tant que jeune, en tant qu'individu, en tant que mineur en construction. Voilà ce que dit l'ordonnance de 45. On nous a beaucoup expliqué ces dernières années que ce texte était périmé parce que la situation des jeunes aujourd'hui n'était pas celle d'hier. Bah oui, je suis d'accord, la situation des jeunes d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, mais exactement à l'inverse de ce qu'on nous raconte, c'est-à-dire que les jeunes d'hier sont nettement plus violents que les jeunes d'aujourd'hui. D'accord ? On est en 1945. Et vous avez des enfants, des adolescents, qui sont dans des situations tellement critiques qu'il va y avoir un niveau de délinquance, de délit, de crime extrêmement important. Si on se fie aux statistiques, on a une courbe de la délinquance juvénile qui explose. 42, 43, 44, 45, les chiffres ne cessent de grimper. Donc on a des enfants qui ont des armes, qui ont des grenades, qui se battent, qui font du trafic, du marché noir. Voilà, je pense que ce qui est très frappant en 1945, c'est que cette violence juvénile, délinquance juvénile, n'est pas perçue par le corps social de la même manière qu'aujourd'hui. Parce que tout simplement, le contexte n'est pas le même. Et qu'on est dans un contexte de sur-violence. Donc la violence des jeunes ne semble pas plus insupportable que ça. voire même elle est tout à fait entendue et expliquée par le fait même qu'on n'a pas pu, en tant qu'adulte, empêcher la Seconde Guerre mondiale et que, d'une certaine manière, les adultes se sentent responsables de l'état terrible de la jeunesse. Il faut dire aussi que s'il s'agit de la reconstruction de la France, on a besoin des jeunes pour reconstruire le pays. Les jeunes sont une promesse, les jeunes sont une valeur positive. Tous ces éléments expliquent le préambule de l'ordonnance de 45 qui va dire qu'on ne peut pas se priver des enfants, même ceux qui vont le plus mal, et qu'on doit les éduquer avant de les sanctionner et que la prison ne peut être qu'une exception. Un enfant, il a besoin de cadre et d'amour. S'il n'y a que le cadre, c'est un enfant dressé. S'il n'a que l'amour, c'est un enfant roi. Il faut trouver le juste milieu. S'il n'a aucun des deux, c'est un enfant abandonné. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut un cadre, plus de l'amour, et là ça fait un enfant équilibré. Mais souvent on a des jeunes qui n'ont ni cadre ni amour. Donc ça donne des enfants abandonnés. Des filles d'ici ? Des filles d'ici, oui. Beaucoup de filles qui sont orphelines. Ou sous tutelle du conseil départemental, etc. Vous disiez que certaines jeunes filles sont en demande de cadre. Comment vous le savez, ça ? Ils nous le disent tout simplement. Ils disent là, tout de suite je vais dehors, bah voilà. J'ai mes fréquentations, j'ai mes potes, puis t'as le réseau qui me tire aussi pour les jeunes qui sont dans le réseau de prostitution. On sort pas d'un réseau de prostitution comme ça. On t'enferme dans un appart, il y a les clients qui passent. À un moment donné, c'est un stop pour eux ici. Déjà, on a un dossier sur la jeune. Et on sait que par rapport à son parcours, si elle a besoin de cadre ou pas. C'est-à-dire si elle était dans un foyer ouvert et... elle y était jamais au bout du compte, bah du coup elle avance pas, elle apprend rien, et puis elle récidive dans les délits ou crimes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ancré dans les pratiques qu'on est là. Quand on s'occupe de mineurs qui ont affaire à la justice des enfants, on est là pour travailler sur la prise en charge du jeune de manière éducative plutôt que de manière répressive. Mais on est aussi touché depuis 40 ans par l'idée, très différente de 45, que ces enfants, et c'est très fort depuis 20 ans, on va dire, que ces enfants, s'ils commettent des actes de délinquance, d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas les considérer comme totalement irresponsables. On est dans une société qui a pris peur de sa jeunesse depuis 20 ou 30 ans, et donc qui considère qu'il y a une partie de la jeunesse, surtout celle irrégulière, délinquante, qui devrait pouvoir répondre des actes qu'ils ont commis. Et on a donc plus du tout cette idée que c'est la société qui est responsable de la déviance ou de la délinquance des jeunes. Chaque jeune est responsable de ce qu'il fait, et chaque jeune doit répondre de ce qu'il a fait. Vous voyez, ça, le contexte a changé. On est aussi dans un contexte de crise, dans un contexte de peur pour l'avenir, et dans un contexte où on imagine qu'il y a certaines menaces pour notre sécurité. Les jeunes, les étrangers. Alors, si en plus parfois vous pouvez faire jeune et étranger dans un combo, voilà, vous avez là une figure de la dangerosité qui devient très importante. Et donc, alors même que le travail des éducateurs, des éducatrices et des personnels de la PJJ et l'acte éducatif et la prise en charge éducative, vous avez une pression sociale qui demande à ce que cette éducation, cet éducatif ne prenne pas toute la place et qu'on puisse aussi avoir des espaces pour responsabiliser les jeunes face aux actes de délinquance qu'ils ont commis. Vous avez quelque chose ? Ouais, vas-y, viens. T'as un parfum pour la chambre ? Oui, ça, qu'est-ce que tu fais avec ça là-dedans ? C'est du sirop de toux, elle en a pas, Amélie. Tu veux le parfum, tu le ramènes. La prochaine fois que je te vois, je te mets une semaine. Ça fait 4 fois que je le récupère, le parfum. Ça ? Ouais. Vous avez pas le droit de les garder, les parfums ? On n'a pas le droit de verre dans la chambre. Hein ? On n'a pas le droit de verre dans la chambre. Pourquoi ? Je sais pas, pas de verre en ici, de toute façon, la jeune fille, elle n'a pas le choix. Le cadre, il est collectif. On fait du cas par cas, mais le cadre, il est collectif. Ça veut dire que quand il y a une loi, pas droit au parfum dans les chambres, parce qu'il y a un risque de le boire pour les alcooliques, il y a un risque de casser, on peut blesser un adulte, on peut se blesser soi-même, bah, le cadre, il est collectif. On va pas dire, ah non, toi, c'est bon, tu peux garder ton parfum, puis à l'autre, sinon, ça créerait des conflits, on s'en sortirait pas. Donc, le cadre, il est collectif. Et de toute façon, s'ils arrivent ici, c'est la plupart du temps, on va dire 70% des filles, qui sont passées par la case prison. Ils ont eu le cadre maximal, mais sans l'éducatif qui va avec, à mes yeux. sans l'éducatif qui va avec. Et ici, justement, il y a un cas très contraignant, mais c'est pas la prison. Et ils apprennent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses obligatoires. Les cours sont obligatoires. Les soins sont obligatoires. Les activités sont obligatoires. La découverte en stage en entreprise ou bien autre sont obligatoires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est obligée de se bouger. Vous savez quand je suis censée sortir normalement ? Quand ? Demain. Bah oui, demain. Moi, je devais sortir le 10 normalement. Bah oui, bah moi, je suis censée sortir le 18 juin. Non, ciao. Mais t'es quoi ? J'ai remarqué un truc de fou. Maman, je suis censée sortir demain. Demain ? On est le 16 demain. Ouais, bah, je suis censée sortir demain. Ouais. Ah oui. 6 mois. Imagine. T'as fait quoi que ça passe vite 6 mois? À moi? Pas vu passer. Tu sens qu'il y a une évolution hein? Ouais. Par rapport à tes limites? Bah oui. Comme quoi? Dans mes comportements. Le fait de changer de comportement, de t'adapter à une vie normale, ça te fait changer de mentalité aussi. Ça te fait changer ta façon de penser. En fait, j'ai toujours voulu changer, mais j'ai jamais réussi. Quand je parle de changer, c'est arrêter les conneries, travailler et tout. Mais... alors, j'ai jamais réussi. J'ai déjà essayé, mais toujours je suis retombée dans les conneries. Quand t'as pas... c'est comme si t'as envie de fumer. Tu peux pas arrêter de fumer si t'as pas envie. Mais là, c'est pareil, tu peux pas changer si t'as pas envie de changer. Tu trouves que les sanctions, elles sont justes ? La plupart des sanctions, je pense qu'elles sont justes. Après... non, en fait, ça me fait bizarre de dire ça, mais il n'y a aucune sanction que je trouve injuste. En fait, toutes les sanctions, elles font mal, elles sont embêtantes. Mais ça peut nous faire qu'évoluer, donc c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est chiant, mais c'est bien. Mais genre, c'est pour notre bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si on ne serait pas sanctionné, on n'évoluerait pas. On continuerait encore pire. Parce que si on avait le droit de faire ce qu'on voulait, on serait même pas en CEF, en fait. Enfin, ça sert à rien d'être en CEF si tu fais ce que tu veux en CEF. Hein. Donc c'est normal que les éduqués nous sanctionnent. Après, ils appuient beaucoup là où ça fait mal, sur les clubs. Et justement, plus ça fait mal, plus mieux c'est. Plus ça fait mal, plus ça fait comprendre. C'est dans notre intérêt, quoi. Mais c'est difficile à comprendre. Et aussi, quand t'arrives, c'est difficile de croire que les éducateurs, ils sont là pour toi. Moi, quand je suis arrivée, je pensais les éducateurs, ils sont là... juste pour avoir leurs sous à la fin du mois. Ils sont là pour travailler. C'est tout. Je pensais qu'ils s'en fichaient de nous. Alors qu'ils s'intéressent quand même à nous. Ils nous comprennent. Ils parlent avec nous. Ils prennent du temps. Des fois, ils finissent plus tard. Juste pour parler avec nous. Ils nous accompagnent beaucoup dans beaucoup de choses. C'est bien. Beaucoup des jeunes qui sont en prison... notamment les jeunes qui sont dans la délinquance, c'est-à-dire qui vendent du cannabis, qui volent des scooters, qui font des cambriolages. Ce sont des jeunes qui ne s'attendaient pas nécessairement à être incarcérés, mais qui savaient très bien que ce qu'ils faisaient était illégal. Ils le faisaient pour des raisons simples, c'est que souvent ce sont des jeunes qui en général sont déscolarisés depuis la 3e, 4e, 5e, parfois depuis la 6e. Des jeunes qui sont déscolarisés, qui sont... pas toujours, mais assez souvent, issus de milieux relativement faibles sur le plan socio-économique. Pas tout le temps, mais assez fréquemment, ce sont des familles déstructurées. Souvent, c'est le papa qui n'est pas là, donc la mère qui est seule. Et donc souvent, ce sont des jeunes qui disent clairement les choses. Ma mère a pas d'argent. J'ai pas envie de lui taper de l'argent de poche parce que bah, ça se fait pas en respect de sa mère. Donc je préférais vendre du cannabis ou voler des scooters pour les revendre pour avoir un petit peu d'argent parce que j'ai 16 ans, 17 ans, j'ai pas de diplôme scolaire, je peux pas travailler parce que la loi empêche de travailler avant 18 ans, j'ai pas de stage, j'ai rien, et donc bah, comme je peux pas gagner d'argent honnêtement, j'en gagne de façon malhonnête. Donc ces jeunes, quand on dit que la prison, donc ils sont incarcérés parce qu'effectivement ils ont commis un délit, mais dire que la prison va servir de leçon à ces jeunes, je pense que c'est pas tellement là l'enjeu, parce qu'ils savaient très bien que ce qu'ils font est illégal. De toute façon, ils disent clairement, moi je veux pas vivre une vie de délinquant, c'est absolument pas du tout mon choix. Moi plus tard, quand je serai grand, je veux avoir un métier, une femme, des enfants, avoir une voiture, partir en vacances comme tout le monde. Et donc ces jeunes, l'immense majorité, n'envisagent pas par la suite de faire une carrière dans la criminalité et autres. C'est complètement faux cette idée-là. Beaucoup des jeunes que je vois, ils me disent la même chose. Plus tard, quand je serai père de famille, mes enfants, je les élèverai pour qu'ils fassent pas de conneries. Et puis, de toute façon, s'ils commencent à me mentir, s'ils commencent à déraper, bah, je le verrai tout de suite parce que je l'ai fait avant eux. Donc, je verrai très bien où ils commencent à déraper. Et là, je pourrai les arrêter et les remettre dans le droit chemin. Donc, ces jeunes le disent très bien eux-mêmes. Hein. Mes parents m'ont pas élevé pour être délinquant. Ils m'ont élevé pour respecter la loi et bien me comporter. J'élèverai mes enfants pour respecter la loi et bien se comporter. Bon, mais aujourd'hui, j'ai 16 ans, j'ai pas d'argent, mes parents n'en ont pas. J'en veux, bah donc je fais des choses illégales. Donc la prison vient éventuellement arrêter une spirale de l'entrée dans la délinquance et un risque d'aggravation. Mais ce sont des jeunes qui savaient déjà que ce qu'ils faisaient était illégal. Donc la seule chose que la prison peut réellement faire, c'est effectivement mettre en place, pour ceux qui n'en avaient pas, un accompagnement social, peut arriver pour certains, les aider à la sortie, à trouver des formations, des stages, un certain nombre de ce type-là. Donc ce que la prison peut faire, c'est pas tellement de leur donner une leçon, ils le savaient déjà, c'est plutôt d'essayer de leur donner la possibilité de se réinsérer socialement, de trouver une formation, de trouver des choses qu'ils n'avaient pas quand ils étaient mineurs. Bon. Un autre problème aussi, c'est que pas mal de mineurs deviennent majeurs pendant leur détention. Donc ils rentrent mineurs en prison, ils en sortent majeurs. Et le souci étant que, autant les mineurs peuvent avoir pas mal d'aide par des éducateurs, notamment les services de la protection judiciaire de la jeunesse, autant quand ils passent majeurs, ces suivis-là s'arrêtent. Donc ils peuvent passer encore 6 mois, 1 an, sortir à 19 ans, et pendant un an, ils n'auront pas eu le suivi qu'ils avaient auparavant. C'est impossible qu'un cadre collectif soit approprié pour toutes les jeunes filles. Mais on fait aussi du cas par cas. Une jeune fille qui a une grosse addiction aux cigarettes, on ne va pas forcément la sanctionner sur les cigarettes. On va plutôt lui dire « fais du service », une tâche ménagère qu'elle déteste faire, va la faire, pour qu'elle comprenne qu'à un moment donné, chaque chose se paye, quoi. Mais on fait beaucoup de cas par cas, hein, malgré le temps collectif. On fait beaucoup de cas par cas. On fait des centaines d'heures de référence. Où on vient, où on travaille pas, où on les prend. Quand ils sont sortants, on sort dehors, on mange avec eux, on essaye de s'expliquer, on essaye de se comprendre. Mais vous adaptez les sanctions. Bien sûr. Bien sûr. Ça. Oui, on peut adapter les sanctions. Ils sont pas écrits quelque part, les sanctions. Ah, c'est vous qui les inventez ? On les invente pas. Ça fait 12 ans que c'est ouvert, à un moment donné. Il y a un panel de sanctions qui existe déjà, mais on n'est pas à l'abri d'en inventer une à l'instant. Une fille qui déteste plier des torchons, ta sanction, ce sera de plier des torchons, parce qu'on sait que t'aimes pas et on sait que ça va te piquer un petit peu. Prenez vos manteaux, j'ai froid, j'ai froid. Comment faites-vous fumer comme ça, là ? Est-ce que le cadre judiciaire peut permettre le geste éducatif ? Oui et non, tout dépend des objectifs éducatifs qu'on se pose. Si l'objectif éducatif, c'est de faire en sorte que le jeune refasse et réussisse ce qu'il n'a pas réussi à faire une première fois, on peut penser qu'effectivement, ça marchera ou ça marchera pas, mais c'est un cadre adapté. Il faut que tu retournes à l'école pour faire les cours du brevet que tu n'as pas eu, pour que tu aies les diplômes que tu n'as pas eu, que tu apprennes tout ce que tu n'as pas appris. Donc en ce cas-là, oui, on peut penser que ça peut marcher. Mais à 17 ans et 11 mois, est-ce que c'est réellement adapté de renvoyer quelqu'un dans un système extrêmement infantilisant? Quand le juge décide qu'effectivement il faut que le jeune fasse tel parcours de soins, qu'il aille dans telle unité éducative, dans tel endroit, etc., il trace des règles à un enfant qui ont toujours pour le but de le maintenir dans un cadre extrêmement contraint, extrêmement normalisant, où il faut que les adolescents soient à peu près tous dans le même moule. Alors on dira, chaque peine est individualisée, on dira ceci, cela. En prison, la seule chose qui est individualisée, c'est la durée de la peine. Donc l'individualisation de la peine fonctionne sur un seul critère, c'est la durée de la peine, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Mais sur tout ce qui va tout autour de la peine, c'est exactement le même programme pour tous. Ils sont, une fois qu'ils sont en prison, qu'ils soient en prison pour 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, c'est le même programme pour tous. Qu'ils soient dans une famille d'accueil, dans un CER, dans une unité d'accueil de jour, etc., il peut y avoir un aménagement en disant « toi tu feras atelier cuisine et l'autre il fera atelier vidéo ». Donc on va dire c'est de l'individuation, mais ça reste des ateliers dans un cadre extrêmement contraint, avec ses règles, avec ses horaires, avec ceci, avec cela. Alors on va dire, oui, il faut qu'il y ait des contraintes, il faut qu'il y ait des règles, parce que plus tard, quand ils travailleront, ils auront des contraintes de bureau, il y aura des règles, etc. Bien entendu, mais ils n'y sont pas encore au bureau. Et je pense que le problème, c'est que ces jeunes, pour arriver à rentrer dans une vie extrêmement réglée, il faut d'abord qu'ils aient connu un minimum de la vie, un minimum autre chose, qu'ils aient un minimum de découverte du monde, qui implique que ça ne soit pas effectivement une vie extrêmement réglée, normalisée. Et est-ce que vous leur apprenez à obéir ou à désobéir ? Alors, on leur apprend surtout à comprendre le sens, plutôt qu'à obéir et désobéir. On leur apprend à comprendre le sens. Le sens de quoi ? Le sens de pourquoi il y a une règle. Pourquoi elle est là ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le but derrière ? Aurore Carbonel, psychologue au centre éducatif fermé. Puisque c'est des jeunes qui ont eu énormément de choses à obéir, c'est des jeunes qui ont obéi, qui ont désobéi, c'est des jeunes qui connaissent ce que c'est les règles, pas les règles. Mais ce qui leur manque à ces jeunes, c'est le sens. Vous pourriez me l'expliquer, le lien justement entre le manque d'écoute des adultes, le manque de sens des règles, de ce qu'on leur impose, et le passage à l'acte ? Une jeune qui est exposée à un environnement qui est complètement chaotique, qui l'empêche d'avancer comme les autres. Elle a plusieurs façons de réagir à cet environnement chaotique. Soit elle a un caractère qui est comme ça, qui est une personne ressource extérieure et autre, qui fait que elle peut être un peu, on appelle ça, alors c'est un peu un terme à la mode, mais c'est un peu un système de résilience, c'est-à-dire que cette jeune-là va continuer à tenir son chemin et va continuer à avancer, avancer, avancer. Ça, c'est une première possibilité face à un environnement chaotique. Une deuxième personne va pouvoir n'aura pas d'autre solution que d'avoir des passages à l'acte violents. Les passages à l'acte violents, moi, je les vois de façon positive dans le sens où c'est des actes qui sont commis devant le regard de l'autre. C'est-à-dire qu'on signifie à l'autre, regarde, je fais que des conneries, je vais mal, fais quelque chose, fais vraiment quelque chose pour moi, parce que je me mets en danger, voilà. Et on a la troisième solution, où là, c'est des personnes qui se replient complètement sur elles et qui peuvent développer des troubles psychiques, par exemple la schizophrénie ou des choses comme ça, où c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus intériorisé. Ici, on est plutôt vers des jeunes qui ont tendance à avoir des comportements violents qui se chronicisent. C'est-à-dire qu'on commence à être connu par les systèmes judiciaires et que les passages à l'acte se multiplient et que du coup, il y a un choix éducatif qui est fait, souvent après voilà, plusieurs mesures de placement en foyer ou des choses comme ça, qui mettent en avant que ça ne c'est pas suffisant, qu'il faut du coup rentrer plutôt vers un contexte un peu plus cadrant, plus contenant. Et du coup, vous trouvez pas ça injuste de sanctionner ces jeunes filles qui passent à l'acte parce qu'elles se sentent mal dans un milieu ? Bah non, parce que justement, si la sanction a un sens, ça sera justement très bénéfique pour elles. Ici, on est vraiment dans la création d'un sens à la vie. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ce chemin ? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas eu d'autre moyen que d'utiliser l'acte violent ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à tel et tel moment pour que à tel et tel moment il se passe ça ? Voilà, c'est toutes ces choses-là. Finalement, tu trouves ça bien d'être obligée ? Oui. Moi, je trouve que c'est bien. Parce qu'on ne m'aurait jamais obligée. Déjà, je ne serais jamais venue ici. Je serais personne en fait. Je serais dehors à faire n'importe quoi comme tout le monde. Qu'est-ce qui est mieux ? Bah, au moins, tu sors, t'as quelque chose. Tu sors, tu travailles, alors que quand t'es dehors, bah, t'as pas envie de travailler, t'as pas envie d'aller en stage, t'as pas envie d'aller en cours. Bah, tu vas rien faire quand t'es juste avec tes potes. Alors qu'ici, tu peux, vu que t'as pas le choix, t'es ici, bah, tu peux aller en cours, tu peux aller en stage. Tu découvres c'est quoi, en fait. Moi, par exemple, ici, je suis arrivée ici, j'avais jamais fait de stage de ma vie. Et c'était mon premier stage ici. Et du coup, j'ai découvert c'était quoi que travailler. Et ça m'a plu. C'est-à-dire que quand je vais sortir, je vais continuer. Est-ce qu'on peut y mettre l'hypothèse ? Est-ce qu'on peut supposer que ce serait le sentiment d'enfermement qui produirait l'acte de délinquance comme un acte libératoire ? C'est toujours le même problème. Plus on pose des règles strictes à quelqu'un, enfant ou adulte, plus il a envie d'en sortir et les transgresser. Donc, plus le cadre est contraignant, plus l'enfant va vouloir faire des bêtises pour que, bah, montrer qu'en définitive, on va pas le contrôler, maîtriser sa vie, qu'on va pas le forcer à penser ce qu'il ne veut pas penser, qu'on va pas le forcer à faire ce qu'il ne veut pas faire. Donc, la finalité de la transgression, souvent, ça va être d'affirmer l'autonomie. Donc, il y a cette dimension-là, effectivement, de vouloir s'autonomiser face aux adultes. Il y a également, dans la délinquance, en particulier tout ce qui est d'ordre de bénéfice financier, il y a aussi l'appât du gain. Je veux dire, les jeunes, ils le disent, hein. Si je vole ou si je vends du cannabis, c'est parce que je veux avoir de l'argent. Ils font pas ça pour le plaisir de prendre du risque, ils font pas ça parce que c'était un pari avec des copains, ils font pas ça parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont avoir un statut particulier, ça c'est complètement faux. Un enfant qui vole ou qui vend du cannabis, il le fait parce qu'il veut avoir de l'argent. Mais on peut également faire d'une pierre deux coups, il peut également faire des transgressions qui sont des infractions à la loi, mais que ce soit aussi des façons dont lui va pouvoir découvrir son propre cheminement de vie, découvrir des nouveaux rapports avec les adultes, découvrir une autre façon de comprendre les choses, s'enfoncer un petit peu, mais pas trop dans la délinquance, pour comprendre que, bah non, en fait, la délinquance, c'est vraiment pas ce que je croyais, donc finalement, je ne veux pas y aller, je vais reprendre une vie rangée. C'est aussi, paradoxalement, c'est aussi pour les enfants, une façon de rentrer dans le monde des adultes, mais sans répondre à l'injonction des adultes. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans le modèle que veulent les parents, mais pas de la façon dont les parents le veulent, ce qui leur permettra d'une part de gagner l'autonomie, parce qu'ils font pas ce que veulent les parents, mais quand même de pouvoir s'inscrire dans un monde de citoyens tout à fait respectueux de la loi. C'est-à-dire en transgressant la loi. Ils vont d'abord transgresser la loi pour ensuite mieux y revenir et mieux s'y inscrire. Parce qu'ils auront compris, ils auront vécu ce qui se passe quand on transgresse la loi, donc ils auront vécu quelque chose de personnel. Et puis surtout, ils se rendront compte qu'effectivement, bah, l'un dans l'autre, il vaut mieux avoir une vie rangée, même si elle est un petit peu banale, parce que c'est surtout comme ça qu'on arrive effectivement à avoir un foyer stable, avoir une femme, avoir des enfants et avoir une vie normale. C'est un peu un exemple idéal que vous nous donnez, c'est pas la majorité des cas, si. Les petits délinquants, ils finissent par bien tourner après une mesure, une sanction judiciaire. La plupart, oui. Alors parfois, il y a une deuxième, troisième incarcération, à 17, 18, 19 ans. Mais globalement, quand on voit tout simplement les chiffres statistiques, quand on voit l'âge moyen à laquelle les gens rentrent en prison, l'âge moyen à laquelle rentrent en prison, c'est 19 ans. C'est pas 30, c'est pas 50, c'est pas 60. Les gens qui rentrent en prison sont des gens jeunes. Quand on est âgé, on ne va plus en prison. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on a compris, bon, j'ai fait des conneries, j'ai pensé que j'étais plus fort que la justice et que la loi, mais en fait, c'est pas vrai. Je pensais que l'argent facile, c'était ce qui va de mieux, puis en fait, bah non, je me rends compte que l'argent facile, quand on le gagne facilement, on le perd facilement. Donc, à un moment donné, souvent vers 28-30 ans, ils disent, bon, j'en ai ras-le-bol des embrouilles, j'en ai ras-le-bol d'avoir des copains qui vont en tôle et moi d'y aller, j'en ai ras-le-bol que mes parents sont pas contents parce que je fais toutes mes conneries. Donc, à un moment donné, bah, J'arrête les bêtises et puis je trouve un boulot, je trouve quelque chose et je me range. Non mais vous avez dit, on arrête là. Avant de venir ici, je me sens, enfin, je me pensais vraiment pas capable de tenir un travail, de travailler. Je me sentais vraiment pas capable. Ici, j'ai essayé mon premier stage en mécanique et j'ai vu que j'étais capable. Donc déjà, je me suis trouvé des compétences. Alors qu'avant, pour moi, j'avais tellement pas confiance en moi que je pensais que j'étais bonne à rien. J'avais rien à faire. Alors que je sais faire beaucoup de choses. Mais je crois que le problème de la prison, c'est que autant elle peut être nécessaire pour des gens qui ont des vrais gros profils délinquants, de grands banditisme, de meurtres au domicile et autres, autant pour les gens qui sont des processus de petite délinquance, de pas grand-chose, là, elle peut être très délétère. Beaucoup de gens se sortent et se rangent, d'une certaine façon, malgré le passage en prison. Malgré le passage en prison, parce que les gens qui vont en prison sont en général, je parle des délinquants, je ne parle pas des gens qui sont là pour agression, pour viol, pour meurtre et autres. Mais la plupart des gens qui sont en prison pour des histoires de délinquance, ce sont des gens qui sont souvent dans des situations économiques extrêmement précaires, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas de boulot. Ils vont passer 6 mois, 1 an, 2 ans en prison. Ils ne vont pas pouvoir travailler en prison parce qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Le droit du travail ne s'applique pas. Il y a énormément de difficultés d'organiser tout ça. Donc, ils vont sortir de prison avec encore moins d'argent, très souvent sans avoir pu passer aucun diplôme. Donc, ils vont sortir de façon encore plus précaire qu'ils n'y étaient rentrés. Donc, la précarité qui était la cause de leur entrée en prison, la prison va l'aggraver. Donc, ils auront encore plus de mal à se réinsérer. Mais comme ils ont encore moins envie de retourner en prison, donc ça va être la peur de la sanction. Donc la prison a fonctionné d'une façon négative. La prison a fonctionné non pas parce qu'elle a aidé à se réinsérer, elle a fonctionné parce qu'elle leur fait peur de devoir y retourner à nouveau. Donc c'est pas une vraie aide, c'est pas une éducation. Donc ici, on t'apprend quoi? Bah, on apprend à être... avoir une vie normale, déjà. J'aime bien ma vie d'avant, mais je commence peu à peu à aimer celle-là aussi. Donc... Qu'est-ce que t'aimes bien de ta vie d'avant? J'étais bien. Je faisais ce que je voulais. Il n'y avait personne qui me disait ce que je devais faire. Mais je sais que c'est pas la bonne vie. C'est quoi la bonne vie? Pas avoir de problème avec la justice. De marcher dans la rue sans avoir peur toutes les secondes de me faire embarquer par les flics. De pas être obligé de me cacher parce que je sais que j'ai des trucs à me reprocher. Pas travailler, me lever le matin, travailler, avoir mes sous à la fin du mois. Pas faire des sous comme ça dans la rue en vendant de la drogue ou des trucs comme ça. Moi, ma liberté d'avant, les lois, je m'en foutais. En fait, c'était mes règles à moi. Il n'y avait pas de règles. Il n'y avait aucune limite. Alors que la vraie... Enfin, l'autre liberté, c'était libre. Il n'y a que toi qui décides pour toi. Mais tu respectes certains trucs. Tu respectes la loi. Tu te lèves le matin. Voilà, il y a des règles à respecter quand même. Mais pourtant, t'es libre. En plus, c'est des règles normales, quoi, respecter. C'est pas des trucs de fou. Hein. Respecter la loi, c'est normal. C'est dur, mais c'est normal. Le vrai facteur, c'est pas tellement le type de la structure où est l'enfant, c'est les adultes qu'il rencontre. Un bon contact avec un éducateur, un bon contact avec une psychologue, un bon contact avec la cuisinière du foyer, parfois. Tout dépend du contact qu'il aura avec tel ou tel adulte, qui va lui permettre de réfléchir en dehors du cadre qu'on lui impose, qui va lui permettre de voir autre chose que le cadre extrêmement normalisant qui est d'aller au collège, de faire ceci, de faire cela, de suivre un parcours de vie qui est une voie ferrée. Donc c'est souvent, ce sont les rencontres des individus qui vont être les plus déterminantes. Un enfant pourra très bien être absolument odieux dans une famille d'accueil, et quand il arrive dans un centre éducatif fermé, il sera un enfant qui est positif, moteur de façon dynamique pour des activités et autres. Il y a certains jeunes dont on m'a parlé qui étaient dans tel ou tel foyer et qui avaient mis à feu et à sang le foyer, fugant, cassant des vitres et autres. Ils arrivent en détention et tout d'un coup, ils sont extrêmement posés, réfléchis, et ils retournent au scolaire et ils ont envie de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est pas tellement la question de la structure en elle-même, je pense. C'est vraiment les gens qu'il va rencontrer, c'est l'écoute qu'il va entendre, c'est la possibilité de faire des pas de côté, de qu'on lise autre chose que ce qu'il a entendu de la bouche des juges, des éducateurs, des enseignants. Là encore, le but, bien entendu, sur le même, c'est d'aider l'enfant à se construire comme autonome, comme adulte libre, respectueux de la loi, respectueux des autres. Mais les moyens pour arriver sont extrêmement vastes. Il faut sortir de l'idée qu'il y a un modèle unique, qu'il y a une seule ligne de chemin de fer pour arriver du point A au point B. Mais il faut que les enfants aussi puissent faire leur expérience et puissent faire des erreurs et puissent repartir. Non, j'ai pas envie de dire ce que j'ai fait comme bêtise avant. Mais pour toi, c'était pas grave? Pour moi, c'était pas grave. Et maintenant, là, au bout de 2 mois de centre éducatif fermé, puis après avoir discuté avec les éducateurs, tout ça, t'as changé de point de vue sur tes bêtises ou pas? J'ai pas changé de point de vue. C'est toujours pas grave? C'est toujours pas grave. Mais... Mais changé, ouais. Mais t'as compris quoi alors par rapport à ces bêtises? Moi, je peux pas continuer toute ta vie. Pourquoi? Ça te servira à rien. Enfin, pas à rien. Mais... va te ramener où? Dans des endroits enfermés. Le sentiment d'enfermement. Il y a 2 types d'enfermement dans lesquels les adolescents se retrouvent. Il y a l'enfermement dans une structure où ils ne veulent pas être, bon, ce qui est le premier enfermement qui est assez évident, qui est une privation de liberté. Et puis surtout, le deuxième qui est le plus dur, c'est l'enfermement dans une logique institutionnelle, être pris en charge par des éducateurs, par des juges, par des tas de gens, d'être enfermé dans une vie, dans leur vie d'enfant, d'enfant accompagné et autres, également, effectivement, même s'ils sont délinquants ou pas, mais d'être, surtout d'être enfermé par les diktats du monde des adultes. C'est des enfants qui sont souvent tout aussi intelligents que les enfants qui ne sont pas délinquants, qui ne sont pas placés, qui ont 14, 15, 16, 17 ans, qui se rendent très très bien compte que les adultes décident de tout de leur vie, qui leur tracent un chemin dans lequel ils n'ont pas le droit de sortir, qui lui disent « tu dois retourner à l'école, tu dois avoir ton diplôme, il faudra que tu fasses le stage, il faudra que tu fasses ceci, il faudra que tu fasses cela ». Ils sont enfermés dans la vie qu'on choisit pour eux. Le plus dur pour ces jeunes-là, c'est que dans l'immense majorité des cas, ces jeunes qui sont pris en charge par les services sociaux, il y a des histoires de maltraitance, de carence, d'abandon et autres. Bon, ce sont des enfants qui sont parfaitement conscients du fait que les parents ne sont pas à la hauteur, qu'il y a des dysfonctionnements. Ce sont également des enfants qui sont suffisamment intelligents pour se rendre compte que les décisions prises par les juges ne sont pas nécessairement les bonnes ou alors ne sont pas prises du tout. Un juge va prononcer un accompagnement éducatif ou un placement et dans le département de Seine-Saint-Denis où je travaille, il faut parfois un an pour que la mise soit prise en charge. Donc le jeune va bien se rendre compte que les institutions ne font pas ce qu'elles disent, que pourtant elles sont prisonnières de ces institutions qui ne tiennent pas leurs promesses. Et donc à un moment donné, ils vont dire « mais j'en ai ras-le-bol du monde des adultes, je suis enfermé dans ce monde, je suis enfermé dans des directives comme fixent les adultes, qui non seulement me contraignent contre eux, mais qui en plus ne sont même pas logiques puisqu'elles ne tiennent même plus leurs promesses. » Donc à un moment donné, ils lui disent clairement « je veux sortir de tout ça ». Tu vas avoir une audience là bientôt ? Oui. Avec le juge ? Oui. Qu'est-ce qui va se passer ? Bah rien, juste être... ils vont me donner ce que je veux avoir. Mais vu que c'est prescrit, je vais rien avoir. Donc ça rien en fait. C'est pour des faits antérieurs à ceux pour lesquels tu es ici ? Oui. Ça fait longtemps, ça fait... au moins 3 ans, 4 ans. Quand t'as des audiences, ça te stresse ? Non, enfin ça dépend lesquelles. Dans ma vie, pour une autre, j'ai été stressée que pour une audience. T'en as déjà eu beaucoup des audiences ? Une quinzaine, une vingtaine. Bah dis donc. Donc pour moi, c'est rien, une audience. C'est une audience. Et tu trouves que les magistrats, les juges, ils te respectent ? Tu te sens respecté par la justice ? Non. Des fois, en fait, ils veulent tellement que ce soit toi la coupable qu'ils disent n'importe quoi. Enfin, ils en rajoutent toujours plus. En plus, ils parlent mal. Comment ça ? Ils parlent mal, genre... tu vas pas vouloir répondre à leurs questions. Ils vont te parler mal. Ils vont hausser le ton. Enfin, moi, je les aime pas. Ils ont pas de respect. Déjà, je sais pas, les juges, je sais même pas comment ils font pour être juges. Genre, tu te lèves le matin, tu vas mettre des gens en prison. Déjà, rien que pour faire ce métier, faut pas avoir de respect. Alors, tu vois, moi, ce que je trouve étrange, c'est que tu puisses malgré tout adhérer au projet éducatif OSEF, alors que ça a été décidé par un juge dont tu trouves que l'attitude n'est pas juste envers toi. Si je me comporte bien ici, que je fais les choses bien, c'est pour moi, c'est pas pour la juge. Ce qui est bien, je le prends, et le reste, je m'en fiche. Genre, chez OSEF, c'est bien, mais pour qui ? Par qui ? Je m'en fiche, quoi. C'était « Les enfants enfermés ou l'éducation sous contrainte ». Épisode 1, le centre éducatif fermé, sanctions ou protection. Avec les jeunes filles du centre éducatif fermé, Karim Bousserot, Véronique Blanchard, Guillaume Monod, Aurore Carbonel. Production, coordination, Perrine Cavran et Marie-Bonne Abolivier. Prise de son, Sandrine Malon, Arthur Gerbeau et François Rivalan. Mixage, Alain Joubert. Réalisation, Gaëlle Gillon. Un documentaire de Pauline Mocor.